Chapitre 2. Le frère Siméon et le prieur étaient amis de jeunesse, et dans ce couvent des bords de la Seine, gardaient une familiarité ancienne, malgré l'inégalité de leurs conditions. Le frère Siméon, d'ailleurs, avait jadis été un autre homme, assidu à lire les philosophes et plus adroit que personne à concilier la doctrine d'Aristote avec la loi évangélique. Sa jeune ambition le tentait de déchiffrer l'immense et méticuleuse allégorie de l'univers. Il étendait à l'univers entier ce qui est dit des cieux, qu'il raconte la gloire de Dieu. Il prétendait que la gloire divine fut la pensée du Créateur, et il quêtait dans le détail de la création les intentions surnaturelles. Puis, étant compagnon des livres et des idées, il vint à considérer les idées comme l'âme des livres, et les livres comme des êtres vivants où Dieu se révèle. Ainsi les païens d'Athènes et de Rome seraient à qui les entendraient sans faillir les annonciateurs de la vérité, son premier langage. Le frère Siméon avait appris le latin, le grec, l'hébreu, les phénomènes de la nature, le jeu divers des éléments, l'art de la controverse et la science de la foi. Mais un jour, lors de sa 30e année, il s'aperçut que son étude l'aventurait aux alentours de sa croyance. L'examen qu'il faisait de la création le divertissait du Créateur, à cause de l'abondante et charmante beauté de la création qui occupe d'autres curiosités. Un symbole trop également dessiné amuse nos regards et nous détourne de la signification secrète. Nous aimons une image au détriment de l'objet. Puis les idées sont des folles qui nous appellent, nous captivent, nous entraînent. Et l'on se lasse du perpétuel badinage de pensée. Enfin, le frère Siméon, jeune encore, éprouva cet ennui, mêlé d'inquiétude, qui veut qu'on abandonne cette dilection périlleuse et qu'on se réfugie dans une sagesse prudente. Il demanda qu'on lui permît de n'être plus qu'un docte moine et l'honneur présumé du couvent, mais le dernier des serviteurs de la maison. Il renonça aux industrieuses facéties de l'intelligence et devint, pour sa tranquillité, le simple frère qui veille aux fleurs, aux fruits et aux légumes. L'hiver, on le mettait aux soins de ménage et d'économie. Balayant, essuyant la poussière ou faisant luire l'orfèvrerie sainte de la chapelle, il rêvait au prochain printemps, à l'éveil du verger. Il accueillait aussi les voyageurs et leur montrait un aimable visage de moine qui prouve déjà que la religion n'est pas renfrognée ni revêche. À 70 ans passés, il ne lui souvenait de ses entreprises de ratiocineur que pour être content de son évasion, pour célébrer son bonheur de liberté. Il s'était aperçu que le dogme nous impose un petit nombre de croyances, nous dispense d'une recherche indéfinie et nous donne repos et loisirs. En s'acquittant exactement de sa tâche et de son moindre devoir, en imitant le zèle de Marthe et la rêverie de Marie, le frère Siméon se réjouissait d'avoir encore du temps pour ne rien faire et pour être pareil à un enfant qui joue dans un jardin sous l'œil indulgent du Seigneur. Le prieur, lui, était resté ce qu'on l'avait connu, un laborieux garçon, gardien de la règle, et que l'amour de la règle portait à l'amour de la chronologie. Son principal souci était de soumettre aux heures de jour et de nuit la ponctualité de ses moines et la sienne. Son étude principale était l'histoire. Il l'avait réduite à l'énumération des dates, ou repères qui vous préservent de vous égarer, dont la durée, comme risque de se perdre les navires sur la mer, sans route ni relais. Il s'était emparé ainsi du passé. Mais l'avenir, à l'extrémité des prophéties, s'étendait devant lui, comme un océan qui n'aurait ni plage ni horizon. C'est pour cela qu'il se tourmentait à fixer le jour de la fin du monde. La redoutable catastrophe, au lieu de l'effrayer, le rassurait. Il attendait avec patience ce dénouement, le guettait, s'acharnait à en attraper la prévision positive. Après cela, dompté les hasards et l'incertitude de contraintes, il posséderait l'horaire complet de notre aventure d'en bas. Une clochette appela le frère Siméon au parloir. Il y allait, lorsque l'appela aussi le prieur, disant d'une voix satisfaite. « Il n'y a point de doute, frère Siméon, nous sommes au dénouement. » Le frère Siméon fit semblant de n'entendre pas.